Gosse de bois, tape de pied qui s'en va réveillonner. Gosse de bois, tape de pied, y'a le pays à sauver. Comme le veut la tradition, y'est né au soir de réveillon. La sage-femme se demanda, que sais-tu feras quand grand tu seras? Curé, pompier ou forgeron, notaire, avocat ou bûcheron. Policier, ouvrier ou bain pêcheur, docteur, professeur ou chômeur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Gosse de bois, la pépier qui va nous représenter. Gosse de bois, la pépier, nos racines tu vas montrer. Par avion sont arrivés des millions d'étrangers. Avec valeurs et religions, est connue dans la région. À leurs bizarres coutumes et lois, opposons la soupe au bois. Et s'ils poussent des hauts cris, répondons par le crucifix. Gosse de bois, tape de pied, notre Noël tu vas sauver. Gosse de bois, tape de pied, notre sapin tu vas planter. Je veux pour Noël une messe en latin. C'est ben moins plate quand tu comprends rien. Ah si mon moine voulait faire son frais, du Viagra je lui donnerais. Si je pouvais rencontrer le pape, je lui dirais bon cher beau pape, aide-nous à protéger nos racines. Fais une alliance avec le gosse droit, fais une alliance avec les tapeliers. Fais une alliance avec le gosse droit, fais une alliance avec les tapeliers. On veut des gosses droit, on veut des tapeliers. On veut des gosses droit, on veut des tapeliers. On veut des gosses droit, on veut des tapeliers. On veut des gosses droit. On veut des tapeliers. On veut des gosses droit. On veut des tapeliers. On veut des gosses droit. On veut des tapeliers. On veut des gosses droit. On veut des tapeliers. On veut des gosses droit. On veut des tapeliers.